Votez pour moi. Votez pour moi. Votez pour moi. Je le dis bien dans les yeux. Je n'ai pas détourné d'argent public. Je ne suis pas un pourri. Moi, j'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien à me reprocher. Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. C'est moi qui dis la vérité. Eh ouais, je suis là pour les bénéfices. Donc ta morale, tu peux la peiner. Impossible de me faire freiner fils. Je mets des kicks involontaires comme dans Genesis. Gêné par les hérétiques et peiné par ta génétique. Péné, bienvenue dans mon salon. L'armée torture un autre otage. Pour sa décharge de colonel, veut ton autographe. Gère un canon, vas-y, serre un canon. Allô, y'a ceux qui meurent de soif et moi je pisse dans le potable. Je mets des pilules sans vous dédommager. Rien à taper des morts ni des naufragés. Visite officielle pour manger thaïlandais. Ouais, mais pas trop âgé. Si l'amour est mort, j'ai des MS. Qui a propagé. À la base, j'ai aucune aptitude. Pourtant, ma race domine dans tous les domaines. Les autres capitules. Boum, je souris avec gratitude. Mon école t'apprend autant, autant qu'elle te manipule. Okay. Tout pour mon capital. Tourner le doigt à la misère, ça se fait. Question d'habitude, je vais t'apprendre à vivre avec la peine capitale. Sale, c'est gravé sur ta rétine. Car c'est écrit dans toutes tes fascicules. Quand y'a pas de sous, y'a pas de sous, y'a pas de sous-métier. Mais dans tous les trous, y'aura des fous. Fais les sous-payés. Les preuves, sous-scellés. Les patrons, sus-scellés. Barricadés. Partout, alors trouvez-les. La place des femmes, c'est à la cuisine. Ramène la 8, serre-moi une 8-6. Encore un jour de plus, j'étends mon règne comme Louis VI. Je revisite les féminicides. Oui, l'amour se visque. Un jour te suce et un jour te fuis après une taille de whisky. Je relance le tourne-disque. J'efface le point dans la paume de sa main. Décemment, tape sur la môme de sa mère. Et puis je l'ai fini à coup de tournevis. Si tu meurs, tu peux compter sur moi pour cliquer ton texte. Niquer tes royalties. Même si ton fils et que ton public le conteste, je vais faire voilà de bise. Bref, si tu meurs, tu peux compter sur moi pour niquer ton ex. Et cracher sur l'imam Hicham à Gaza. J'investis les fonds d'aide humanitaire dans la NASA. Un peu d'huile sur le feu, j'ai pas garanti que tu finisses sur te peuge. Après j'irai faire un safari chasse à Gaza. Les ont cramé l'Amazonie, cramé l'Australie. Si les sauvages approchent, une grosse praline. Si peu de choses manime, de site en site, de tine en tine manie. Des fois qu'on tombe sur une gosse galine. Mais surtout pas cette chose de Greta Thunberg. Rendez-vous à l'hôtel Wittelberg, bitch avec Eisenberg. Que Dieu protège nos privilèges. J'ai t'aidé si tu sens que t'es chaud, puisqu'on décide du sort des autres entre criminels. Votez pour moi, votez président. Les banquiers m'apprécient. J'efface les dettes et les crédits. Votez pour moi, me bande d'imbéciles.